Les deux visages par Abel Herman. Combien je regrette d'avoir oublié à Berlin le livre à serrure où, depuis ma plus tendre enfance, j'ai coutume de noter mes pensées, particulièrement les secrètes ou indicibles. Cet oubli fut excusable vu la précipitation de mon départ. Ce fut seulement à la dernière minute que Son Excellence Monsieur le Conseiller X me dit gracieusement: j'emmène une dactylographe de plus. Faites vos paquets. » Ils furent vite faits. Je n'emportais presque rien, ayant ouï dire que ces Français ont toutes choses en abondance, telles que savon, USW, Unzobreiter. Mais dès que je m'aperçus que j'avais oublié le livre à serrure, je le regrettais vivement, car seuls, paraît-il, les articles de papeterie leur font défaut. Néanmoins, comme je ne pus me résigner à ne point garder trace sur mes tablettes un voyage aussi pathétique et intéressant, aussitôt arrivé à Versailles, j'ai fait la dépense du prix en cahier, soit 4 francs et 80 centimes, ou au cours du change, 12 marques, qui font 15 francs au taux normal. N'est-ce pas un prix colossal pour un objet si médiocre? Je note maintenant mes impressions de route en peu de mots. Elles ne sont pas favorables. La campagne de France, si vantée, offrit peu de charme à moi-même, qui la contemplais pour la première fois. La culture n'est pas intensive et les paysages ne sont pas romantiques. Je n'aurais même pas pris la peine de regarder la portière si les naïfs français n'avaient cru faire quelque chose de bien malin en nous obligeant de traverser ce qu'ils appellent leur département envahi. Ici, je dois l'avouer, mon cœur allemand fut pleinement satisfait, et il fut même transporté d'enthousiasme. Quelle besogne admirable ont accompli nos héros! Les villages sont rasés, il ne reste rien, même pour le pittoresque, et la terre est rendue incapable de produire pendant de longues années. Je ne pouvais cependant m'empêcher de me dire à part moi: c'est le juste châtiment de Sodome et de Gomorre, mais aussi une imprudence. Évidemment, nous ne sommes pas vaincus, mais si nous étions vainqueurs, comment un pays ainsi ruiné pourrait-il nous payer l'indemnité colossale que nous exigerions de lui? La chambre que j'occupe en cet hôtel des réservoirs, célèbre pour avoir été habitée par nos princes il y a 48 ans, est, si j'ose m'exprimer ainsi, une chambre de pensionnaire, néanmoins confortable et dont j'apprécie toutes les petites commodités, non anglaises mais allemandes. À peine étais-je débarqué qu'on me fit servir un léger repas dont le luxe était calculé pour me faire impression. Je ne m'en laissais point imposer et je mangeais de bon appétit, avec la satisfaction de tuper ces Français vantards. J'aurais bien voulu savoir ce que tout cela coûte, par curiosité pure, car naturellement ce n'est pas moi qui paye ma note. On ne put me dire aucun chiffre, mais on m'assura que les frais sont très petits, soit que la vie n'ait nullement augmenté en France, malgré les affirmations contraires des Français, ou qu'ils veulent encore nous tromper sur leurs ressources. Profitons-en. Lorsque je fus rassasié, j'éprouvai de la mélancolie. Je pensai tendrement à Fritz, que je dois épouser dès la signature de la paix. Et avant de me mettre au lit, je me fis un devoir de lui écrire en ces termes: « Bien-aimé Fritz, comme tu le vois, je m'empresse de t'envoyer de mes nouvelles, aussi bonnes que possible en ces tristes circonstances. Cher Fritz, le chemin de croix est achevé. Talina est arrivée à bon port, ou plutôt au sommet du calvaire. Quel horrible voyage, mon héroïque Siegfried! Je ne pouvais voir sans rage au cœur ces riches campagnes de France. J'espérais goûter quelque réconfort en traversant les provinces prétendues dévastées. Mais, trésor, quelle modération fut la vôtre! Des parties de villages sont restées debout, et des églises insolentes dressent encore vers le ciel leurs coques audacieux. Ici, nous manquons de tout, et nous sommes indignement exploités. J'ai pudeur de te dire le prix fabuleux de la pension. Pour te donner une idée, ayant oublié mon livre à serrure, j'ai dû me procurer un carnet chez un papetier local afin de noter mes impressions. Je l'ai payé 32 marques. C'est à la lettre. Encore ne sais-je où le cacher dans ma pauvre chambre, dépourvue de toute commodité et sillonnée d'espions nuit et jour. À tel point que je te dis bonsoir tout bas, bien-aimé Fritz, et n'oserais articuler tout haut ton cher nom que recueilleraient tes oreilles indiscrètes. Talina. Je ne suis pas accablé de travail. Son Excellence Monsieur le Conseiller X aurait parfaitement pu se passer de moi. Il s'en est aperçu dès le premier jour et m'a dit « Souhaiteriez-vous retourner à Berlin, Fräulein ?»« Jamais de la vie. » Comme il a l'esprit de contradiction, je me suis pressé de lui répondre « Ce serait mon plus cher désir. »« Bon, » m'a-t-il répliqué, « nous y penserons. Dans cet espoir, prenez du bon temps. » « Je suis tranquille. Son Excellence n'y pensera pas, et je prendrai du bon temps. » Toujours désireuse de m'instruire, j'ai visité dans le plus grand détail le château de Louis XIV. Je dois reconnaître que les Français n'ont pas tort. Possédant à mes mains autres châteaux d'Allemagne, n'en sont que de méchantes copies. C'est dommage que nous n'ayons pas détruit l'original quand il nous était loisible. J'ai visité le parc où des espaces importants nous sont réservés. Comme je n'aime pas me promener seul, j'ai autorisé un de mes jeunes camarades à m'accompagner. Il a seulement 22 ans et un physique irrésistible. Une même mélancolie nous a encore approchés l'un de l'autre. Et dans une charmille ornée de plusieurs statues de marbre, Otto ne m'a pas laissé ignorer ses sentiments ni la pureté de ses intentions. Je lui ai franchement fait savoir que je les partageais, mais que j'étais déjà fiancé. « Qu'importe, » m'a-t-il répondu, « l'amour est plus fort que la mort. » Je lui ai répondu à mon tour, « comme c'est vrai. » Doué de la faculté d'observation, j'ai remarqué pendant ces promenades l'attitude des Français à notre égard. Le premier jour, ils nous considéraient comme des bêtes curieuses. Dès le deuxième jour, ils ne faisaient plus attention à nous, les grossiers. Cette indifférence doit être affectée. J'en conclus toutefois que ce peuple frivole n'est pas même capable de nous haïr, et je me berce des plus magnifiques espérances. Nous reviendrons à Versailles, nous enfoulerons les allées d'un pied victorieux, mais ce sera seulement quand nous aurons eu la sagesse de rappeler notre empereur et nos chers princes. Les gens de Versailles, pour nous tenter, ont rouvert depuis notre arrivée toutes les confiseries qu'ils nomment en France pâtisseries. Inutile de dire que je passe devant ces étalages sans tourner la tête, par économie et par dignité. Hier, cependant, Otto a voulu me régaler de quelques tourtes et gâteaux à la crème. Je n'ai pas cru devoir lui refuser ce plaisir et afin de lui faire honneur, j'ai mangé 12 pièces. Ils ont eu l'impudence de les compter chacune 60 centimes, 1,5 marque au cours du change, soit totalement 18 marques ou 22,50 francs. J'ai le même soir écrit à mon cher Fritz en ces termes. Bien-aimé Fritz, un enfer est ma vie en ce Versailles. Parmi 100 privations, mais une seule pénible, la privation de toi. J'ai pensé être renvoyé à Berlin, quelle joie! Mais Son Excellence m'oublie. Désœuvré, je parcours toute seule les jardins à mourir d'ennui. J'ai aussi visité le château qui est une méchante copie de Potsdam. Il me faut un réel courage pour accomplir ces promenades. Les gens d'ici nous haïssent, nous insultent à chaque pas et nous jettent des ordures au visage. Moi, je ne sens pas la haine dans mon cœur allemand, mais seulement le juste désir de la revanche. Je n'en veux qu'à Sa Majesté et au misérable prince cause de nos malheurs. J'espère bien que tu es toujours social-démocrate. Moi, j'incline vers Spartacus. Ma seule consolation est de t'aimer éperdument. Je te cite ce trait de mœurs pour t'édifier. Aujourd'hui, presque mourant de faim, je me suis risqué dans une confiserie. J'ai mangé seulement 2 pièces et encore toutes petites. Ils n'ont pas craint d'exiger de moi, pour chacune, le salaire total d'une journée de travail, soit 10 marques, 22 pour les deux, ou 25 francs. Et tu sais, bien-aimé Fritz, si Talina est capable de mensonge, mon unique amour, je t'envoie, en gage de fidélité, ce brin de muguet fleuri, cueilli par moi-même, dans les bois de Wildavray. C'était Les deux visages, par Abel Hermant.